Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Et dans nos cœurs, il a fait son lit, s'est épanoui dans des rêves un peu fou. Et pourtant, au lieu de louer la providence et notre chance bien à l'avance, tu veux savoir si plus tard je serai le même. Mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, oublie tout pour aimer, prends le moment qui vient et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous, qu'importe si la vie, je ne connais en tout que ce cri. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. Cesse, chérie, de te tourmenter, de te torturer, tu t'inquiètes, à quoi bon? Et ces pensées qui te font du mal me semblent anormales et te rongent sans raison. Crois-moi, oublie pour toujours ce qui te tracasse et tes angoisses, car le temps passe. Et ce qui est perdu jamais ne revient rire, mais sans rien dire, il se retire. Tu vois, moi je prends jour aux lueurs de mon cœur, le temps de notre amour le meilleur. Ne sachant si demain peut donner du beau, j'ai confié mon destin à ce mot. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour.